5. Anatolie, le lendemain matin, s'éveilla de bonne heure. Elle se sentait l'esprit assez dispos. Après le départ de Laurent, la veille au soir, elle était allée dire ses prières auprès de la petite Rose. Puis elle avait laissé Catherine et une bonne femme pieuse dans la chambre mortuaire. Elle s'était couchée. Elle avait dormi. Maintenant, elle s'habillait. Ses idées, ses résolutions, elle les gardait, exactement les mêmes, de sorte que, bien assurée à leur sujet, elle pouvait sans péril céder à une étrange impression de liberté. Comme elle ne doutait pas de son devoir ni de sa fidélité à l'accomplir, elle osa se consulter sur les rigueurs de son devoir et sur le prix que son devoir lui coûtait. Donc elle dirait à Paulin, « Paulin, je veux être ta femme. » Être la femme de Paulin, cette pensée qui autrefois l'enchantait et qui la jetait dans les bras de Paulin, trop timide à son gré, cette pensée l'effarouchait et froissait sa pudeur. Elle avait à ce moment les bras nus et le cou. Elle se dépêcha de passer un peignoir. Et sa pudeur froissée lui confirma ce qu'elle ne savait que trop. Non, elle n'aimait plus Paulin. Elle se fit l'effet d'une victime, et elle se fut à pitoyer sur elle-même, si la fierté ne l'en eût détournée, sa jeune fierté hardie et gracieuse. Lui, Paulin, serait-il content? Il le serait. Il aurait tort de l'être. S'il savait qu'elle ne l'aimait plus, il la refuserait. Et bref, il lui faudrait mentir à Paulin. Lui mentir d'abord et continuellement. Anatolie se demanda si Laurent n'avait pas raison de lui reprocher comme une folie son projet. Non, et même, alors, elle eût renoncé à son projet? Non, non. Elle s'habillait vite, à cause de sa pudeur froissée, à cause de la nécessité où l'on est, de ne point flâner si l'on veut garder sa belle énergie dans les moments de quelque incertitude, et à cause d'une hâte absurde qui, la gagnant, accéléra ses mouvements en dépit d'elle. Quand elle fut prête, son émoi se résumait ainsi, pourvu que Paulin fût content. Et pourvu qu'il ne fût pas content jusqu'à des transports de joie auxquels elle ne saurait participer. Il lui restait une demi-heure avant la venue de Paulin. Elle la passa dans la chambre mortuaire, agenouillée, à prier. Catherine lui dit tout bas, « Monsieur Paulin, conduis-le dans le jardin, répondit-elle, et j'y vais. » Elle acheva sa prière commencée, fit le signe de la croix, et pendant la minute qu'elle mit à longer le corridor, elle n'avait pas tout son courage. Quand elle fut à la porte vitrée, qui au bas d'un petit escalier de 5 marches donnait sur le jardin, elle aperçut Paulin. Elle le vit. Il n'entendait pas et ne devinait pas qu'elle approcha. Il lui tournait le dos et regardait la vallée. À travers les vitres, elle le regardait et ouvrit la porte un peu plus tard seulement. Il ne vint pas à elle, mais il montra qu'il attendait de savoir comment elle avait résolu de l'accueillir. Elle lui dit très simplement « Bonjour Paulin » et elle sentit que ses lèvres tremblaient. Cependant, elle avait pu dire ce bonjour comme d'habitude. Il répondit, comme d'habitude, « Bonjour ». Elle avait eu le temps de craindre qu'il ne l'appelât Mademoiselle Anatolie. Depuis l'aveu de leur amour, il ne lui donnait plus ce titre de Mademoiselle. Et pourtant, il ne s'accoutumait pas à l'appeler Anatolie. Il lui parlait sans la nommer. « Descendons jusqu'à la terrasse d'en bas, veux-tu ?» Et il voulait bien tout ce qu'elle voulait. Le seul ennui fut qu'il ne parlait pas. La descente des terrasses occupa leur premier silence. Elle écartait les branches des lilas fleuris, et elle lui disait « Prends garde !» Les branches, après qu'elle avait passé, retournaient vivement derrière elle. Paulin, à son tour, les prenait et les écartait. Une fois, les doigts de Paulin touchèrent la main d'Anatolie. Elle s'en aperçut à peine et s'en aperçut davantage, à la brusquerie presque effarouchée avec laquelle il retira ses doigts et dit « Pardon !» Quand ils s'aimaient, c'était la seule volupté de leur chaste amour, leurs mains amoureuses, et qui souvent, à la promenade ou à la maison, restaient liées sans plus de caresses, longtemps. Et voici que Paulin lui ayant touché la main, peu s'en fallait qu'elle ne s'en aperçût point, et lui, comme d'une offense, demandait pardon. Toute la triste nouveauté de leur rencontre, l'amour fini, était là. Mais savait-il donc lui aussi que leur amour était fini, et fini en lui comme en elle, s'il ne l'aimait plus? À la terrasse d'en bas, il y avait de vieux fauteuils de jardin, en bois courbé, couverts de toiles déteintes. Anatolie déplaça l'un des fauteuils, qui était comme envahi par le feuillage et les grappes des lilas. « Ces vieux jardins dans l'abandon, dit-elle, ça fleurit encore. » Et elle l'avait dit pour dire, en somme, n'importe quoi. Il lui sembla que de sa remarque futile naissait le symbole encourageant d'une tendresse qui refleurit dans l'abandon. Mais Paulin se taisait toujours. Elle était assise en face de lui. Et vite, elle lui demanda, « Serais-tu venu, Paulin, si Laurent n'était pas allé te dire que je t'attendais ?»« Mais non, » fit-il. « Ah, vraiment ?» Elle était déçue et lui étonnée de la question. « Mais non, » reprit-il, « vous deviez m'écrire. » C'est vrai, je n'ai pas pu t'écrire. » Il répliqua logiquement. « Alors moi, je ne pouvais venir. » C'était logique, et trop logique. Anatoli aurait prévu que Paulin fût triste ou fût en colère. Logique à ce point, non. Et logiquement, Paulin ne devait pas venir. Puis il était venu, logiquement. Après que la logique a tiré ses conclusions, il n'est que de parler d'autre chose. « Tu sais, Paulin, cette petite fille qui était si malade. »« Oui, elle est morte. Elle est là-haut, dans ma chambre. On l'enterrera demain. » »« Tu me trouves peut-être un peu singulière aujourd'hui. Cette mort toute proche, tout à côté de nous, m'obsède. » Mais Paulin répartit. « Nous avons aujourd'hui plusieurs raisons d'être un peu singuliers l'un avec l'autre. Avoue-le. J'ai cru hier encore jusqu'au soir que je ne vous reverrai pas. Je vous revois. N'est-ce pas doux ?» Ces mots lui échappèrent, sans qu'elle sût comment, et par la seule habitude ancienne de leur causerie tendre. Mais non, ce n'était pas doux. Et elle le savait. Et d'avoir fait ce frivole mensonge, elle rougit. Paulin répondit. « Non, non, non, ce n'est pas doux. Songez un peu à ce que vous dites. D'où de savoir ainsi ?»« Comment ?»« Ainsi. » Elle sentit que si elle possédait ses résolutions, il possédait lui les siennes, également nettes. Qu'avait-il résolu ? Ah, qu'avait-il résolu de cruel, de méchant, peut-être, pour lui et pour tous deux ? Car il parlait avec émoi, sans doute, si sèchement. Plutôt que de le laisser dire, elle l'eût devancé de son offre. Et Paulin lui eût-elle dit « Je veux être ta femme ?» Ces mots qui étaient dans sa pensée, elle s'apprêtait à les dire, avec un peu d'effort et avec toute la sincérité de sa conscience. Mais ce fut Paulin qui la devança. « Je le sais si vous êtes dans tout cela aussi lucide que moi. »« Je crois que oui, » fit-elle. « Eh bien, souvenez-vous du soir où vous m'avez quitté dans la basse ville si soudainement ?» Il la choquait en l'invitant au plus triste de leurs souvenirs, au seul qui fut triste sans nulle compensation d'amitié. « Je m'en souviens, » dit-elle. « Mais toi, que de rancune ?»« Pas du tout. Il faudra l'oublier plus tard. Je l'oublierai. Le souvenir que j'aurai de vous, ce n'est pas celui-là. C'est celui d'une petite fille. Je t'en prie, Paulin. » D'une petite fille toute folle de liberté, et d'une jeune fille qui a eu peur de la liberté. D'une petite fille toute folle d'idées, et puis d'une jeune fille qui a eu peur des idées. Paulin, comment ne pas avoir peur des idées ? Et moi, comment ferais-je pour n'en pas avoir peur quand c'est elle qui nous sépare ? Qui te sépare de moi, je les déteste. Il me semble qu'elles sont du poison pour les âmes. Il me semble qu'elles ne sont pas faites pour les âmes. J'ai vu ces gens, les lourdelots, des orbeaux et combats. Leurs hommes corrompaient les plus belles idées. Et toi, je ne dis pas que tu corrompes les idées. Plus d'une que tu me racontais me ravissait, oui, grâce à toi, et ne le méritait pas. Seulement, toi, ce sont les idées qui ont été pernicieuses à ton âme. Il souriait amèrement. Elles m'ont dépravé, n'est-ce pas ? Le soir que vous m'avez quitté dans la basse ville, ce fut le soir de la révélation, pour vous, je crois. Et pour moi, je le sais. Il y a entre nous des siècles de malentendus. » Anatoli redouta qu'il ne devint trop éloquent. Mais il tourna court. « Vous méprisez ce que j'espère. Et j'ai la haine de ce que vous aimez. La haine, la haine. » Alors, entre tout ce mépris et toute cette haine, notre pauvre amour était condamné. Ne disait-il pas l'exacte vérité ? Mais il la disait sans ménagement. Elle en frissonnait, et il le sentit. « Tenez, ajouta-t-il, aujourd'hui, nous sommes venus l'un à l'autre, ayant la même chose à nous dire. » « Pas tout à fait, » murmura-t-elle. « Mais si, nous nous disons l'un à l'autre la même chose, et non pas avec les mêmes mots. »« Dis le même sentiment, » murmura-t-elle encore. Il conclut. « Eh bien, vous voyez. » Il n'en fallait pas tant pour affirmer leur désaccord. Mais il insista. « Tenez, si j'avais été sans les intrigues de ce d'Auberville et lui hier, comme 3 jours plus tôt je l'étais à coup sûr, je serais venu tout de même, si vous m'aviez fait la grâce de m'appeler, vous dire adieu, et non vous demander d'être ma femme. Pourquoi, mais... » Je ne t'ai pas demandé pourquoi. Je vais vous le dire. C'est que je ne me serais pas marié à l'église contre tous mes principes. Non, jamais. Et vous ? Si tu m'avais aimé, tes principes ? Et vous, si vous m'aviez aimé, vos principes, les renonciez-vous ? Il s'était dit, si tu m'avais aimé, si vous m'aviez aimé. Ils regardaient devant eux la ruine de leur amour. Et ils se turent, comme des maladroits qui ont brisé un bel objet. Anatoli dit à Paulin, « C'est ton erreur, Paulin. » De croire que nous sommes venus l'un à l'autre ayant la même chose à nous dire. Ce que j'avais à te dire, tu ne le sauras point, et moi-même, je l'oublierai. Ce que j'avais à te dire est, peu à peu, quand tu parlais, devenu dérisoire, et j'en ai pitié, comme d'une niaiserie qui m'était précieuse. Mais toi, ce que tu avais à me dire, tu l'as dit, et au-delà. Ce que tu as dit, si je t'ai compris, ce fut pour moi et pour toi davantage. Paulin répliqua. La vérité est bonne à dire. Pas à entendre, fit Anatoli. « Mais bonne à dire, je le crois. Elle t'a délivré même de tes souvenirs. Tu viens de les saccager, Paulin. Et tu prétends que tu te souviendras d'une petite fille, et puis d'une jeune fille? Non. Ou si tu t'en souviens, ce sera malgré toi. Tu es plein d'espérance. C'est mauvais pour les souvenirs. Quand j'ai su ton échec, il m'a semblé que tu serais extrêmement découragé, déçu par tes idées. Non, pas. Non, non, je vois. Il m'a semblé que dans ton découragement et adouci par lui, tu verrais tout le mal que tes idées ont fait et autour de toi, et à toi-même, et puis à moi. Non, pas. Et que tu relâcherais tes dures volontés. Impitoyable. Non, pas. Je vois. Alors il faut préserver tes dures volontés impitoyables, que notre amour a entravées, n'est-ce pas? J'ai dû nuire à tes réussites. Tu refuses de me répondre? Eh bien, c'est tout répondu, mon pauvre Paulin. Je te sais gré d'avoir été sincère à ce point. Je n'aurais pas eu le courage de l'être autant que toi. J'ai peu de courage. Tu en as beaucoup. » La voix lui manquait, puis elle reprit. « C'est que tu es tourné vers l'avenir, où il y a tout le plus libre espoir, et moi vers le passé, où il n'y a plus d'illusion. Adieu, Paulin. » Elle lui tendit la main, et il la prit. « Adieu, » fit-il. Et ils se séparaient. Anatoli le retint. « Tu vois, c'est bien fini. Alors, une seconde avant de nous séparer tout à fait, veux-tu m'épargner un chagrin? Dans le passé, où j'habite, veux-tu, je n'en abuserai pas, c'est seulement pour mon plaisir innocent de mémoire. Veux-tu reconnaître avec moi que jadis, très anciennement, nous nous aimions, et que naguère nous nous sommes bien aimés? » Il répondit, « Nous nous sommes aimés passionnément. » Et il avait le visage crispé, les mains tremblantes. Il reprit, « Mais moi, voulez-vous m'épargner un remords ?»« C'est pour l'avenir ?» demanda-t-elle, souriant parmi ses larmes. « Oui, mais si je vous parle d'un remords, c'est un sentiment que vous ne méprisez pas. Voulez-vous m'avouer que vous ne m'aimez plus ?» Et elle balbutia, « C'est vrai, je ne t'aime plus. » Anatoli, qui avait réglé le passé, Paulin à l'avenir, partir de ce jardin, gravir les deux escaliers des terrasses parmi les branches des lilas. Anatoli allait devant, soulevant sa jupe, et elle montait lentement. Elle se rappelait ce jardin tout parfumé de roses, la précédente année lors de la mort de sa grand-mère. L'odeur des lilas avait remplacé l'odeur des roses. Dans le jardin, deux fois funèbre, pour la mort de sa grand-mère et pour la mort de son amour. Elle s'arrêta et cueillit un rameau de lilas pour le cercueil de la petite enfant. Paulin, derrière elle, attendait. Puis elle continua de monter. Quand ils furent arrivés à la terrasse d'en haut, elle dit à Paulin « Adieu !»« Adieu !» fit-il. Et il avait encore à la suivre un peu dans un corridor avant de sortir et de quitter la maison. Mais il s'était dit le dernier adieu. Elle ne se retourna point et il s'en alla. Anatoli porta le rameau de lilas dans la chambre mortuaire. Elle pria un instant. Puis elle voulut s'enfermer dans sa chambre. Mais dans le corridor, elle rencontra Laurent. Et la figure de Laurent l'interrogeait, de toute son anxiété visible. « Ah, dit-elle, mon pauvre Laurent, si tu savais !» Et en songeant à son projet, que lui avait dénigré Laurent avec tant d'âpreté, à son projet trop ridicule, elle riait nerveusement. « Parle, disait Laurent, ne me laisse pas dans cette incertitude. Je vais te dire. Tu l'épouses? Mais non, comment pouvais-tu croire ? » Et elle, comment avait-elle pu croire ? L'évidente impossibilité de son projet lui apparaissait, avec la netteté la plus offensante. Elle en eût pleuré. Elle aussi. Mais aussi, tant d'absurdité lui donnait une impression douloureusement comique. « Jamais de la vie, reprit-elle, et il n'est pas question de ça. » Laurent la regardait, stupéfait, et ne savait pas si la joie finirait par dominer le trouble bizarre où il sentait sa pensée éperdue. Anatoli avait la main posée sur le bouton de sa porte, et elle hésitait à entrer. La solitude à la fois la tentait et lui faisait peur. Un simple hasard la décida. Elle entr'ouvrit la porte et vit qu'on balayait sa chambre. Elle dit à Laurent, « Tu as 5 minutes, viens dans le salon. » Laurent, qui doutait encore de son bonheur, lui demanda, « C'est définitif, tu es sûr ?» Elle écartait avec son rire nerveux sa mélancolie. « Mais oui, c'est une folie, » répondit-elle. Et lui, très timidement, « Mais on fait des folies. »« Bien peu, » répliqua-t-elle. « Il a refusé ?»« Non, mais non, mais non, mais non. » « Je n'ai rien offert, je n'ai rien eu à offrir. Je reviens avec mon cadeau dans les bras, c'est risible. Quand nous serons vieux, je te raconterai ça. » Il lui saisit la main. « Anatoli, » s'écria-t-il. Mais elle retira sa main et elle dit, « Raconte-moi, où en est la famille, tante Pauline ?» Il n'avait pas envie de raconter les anecdotes de sa famille, mais Anatoli exigeait assez visiblement ce détour de leur causerie. Maman se calme. Elle a passé une mauvaise nuit et n'a voulu voir Pierre que ce matin. Et Pierre, il triomphe. Il répète à chaque instant « J'ai sauvé l'usine ». Et à vrai dire, je ne crois pas qu'il l'ait sauvé. Du Lacoute, oui, mais non des grèves qui recommenceront. Le germe est là. Pourtant, il a sauvé l'usine pour la seconde fois ce matin. Les ouvriers sont rentrés tous. Mais avant leur rentrée, Pierre était déjà aux machines et il s'est aperçu que depuis la grève, on avait saboté de place en place des écrous desserrés, des vis défaites. En 2 heures, tout sera réparé. Seulement, si l'on partait là-dessus, c'était la catastrophe. Dieu, qui a fait ça? Hélas, Bertrand s'est sauvé cette nuit. On le cherche. Il s'est vengé? Oui, comme un lâche. L'oncle est dans un état que tu imagines. Triste? Non. Mais en colère. Il veut porter plainte contre son fils. Il assure que s'il le tenait, il l'étranglerait. Je le crois. Il l'a cherché dans toute la maison, dans les alcôves, dans les greniers, dans les armoires. Tante Henriette le suit, ne le quitte pas. Elle tâche de l'apaiser. Elle le cajole, mais lui tempête contre sa canaille de fils, voilà. Quel châtiment, dit Anatolie, je le plains. Et toi, que deviens-tu? Moi, je vais rentrer à l'usine. Je serai repris au même titre que tous les autres. Je ne crois pas que l'oncle me réserve un sort différent. Pierre, en tout cas, a bien voulu me dire qu'il passait l'éponge et qu'il répondait de ma situation. D'ailleurs, il a dû le promettre à maman qui a posé cette condition formelle à leur rapprochement. Puis, cette condition, il viendra te faire des excuses. Non, non, reprit Anatolie, qu'il ne vienne pas. Tu diras que je lui pardonne. Mais je ne veux pas le voir. Quant à présent, du moins, plus tard, qui sait. Je lui pardonne, mais je le déteste. Laurent Trépa le demanda. Parce qu'il a battu Paulin? Anatolie, avec beaucoup de gravité, lui répondit. Quand tu auras cessé d'être jaloux, mon petit Laurent, tu ne te figures pas les bons amis que nous serons. D'ailleurs, tu as souffert, je ne t'ai pas épargné. Je comprends qu'il te faut du temps pour te reposer de telles alarmes. Et moi aussi, Laurent. Je ne sais pas combien de temps il nous faudra. En attendant, veillons l'un et l'autre à ne point nous enfoncer l'un l'autre. Il me semble que ce n'est pas très difficile. Nous avons l'un et l'autre assez souffert pour être là. C'est le commencement de la douceur. Il n'osait pas lui dire que ces paroles lui étaient, pour les blessures de son cœur, un baume délicieux. Elle souriait tristement. Elle ajouta « Il est vrai que je n'ai pas souffert par toi. Et toi, c'est par moi que tu as souffert. Ne te plains pas, ta part est la meilleure. »